very underrated. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo 107 FM, nous sommes ravis de vous retrouver eh bien, pour cette nouvelle année, hein, première émission de l'année 2020. On vous souhaite plein de très belles choses et aujourd'hui, eh bien, pour bien commencer l'année, on parle d'un sujet qui nous fait plaisir hein, quand même, avec aujourd'hui Nathalie. Nathalie, bonjour. Bonjour et meilleurs vœux à vous aussi. Et oui, merci beaucoup. Merci d'être parmi nous aujourd'hui dans les studios pour nous parler eh bien, donc du magasin, de l'épicerie que vous venez d'ouvrir. Il me semble que c'est quand même assez récent. Alors cette épicerie, c'est une épicerie anti-gaspi qui s'appelle Ma Nature et qui voilà, est présente sur le secteur de rue sur Moselle. Est-ce que j'ai juste pour l'instant ? Tout à fait. Ouf. Tout va très bien. Donc, depuis quand est ouverte votre épicerie ? Alors, Ma Nature est ouverte depuis fin juin. Oui, quand même. Et voilà, quand même. Ça fait 6 mois maintenant, on va dire. Et donc, c'est un projet pour un tout petit peu aider la nature à ma façon, à ma hauteur, va-t-on dire. Eh bien oui, bah, c'est une très belle initiative en tout cas. Merci. Alors, dans quel but vous avez eu envie d'ouvrir donc, cette épicerie Ma Nature ? Bah, en fait, l'idée est venue, on va dire, en regardant, je ne sais pas si je peux citer, M6. Oui. Deux émissions, une derrière l'autre, sur tout le gaspillage qu'il y avait, une en France et une dans le monde. Et je me suis dit, oulala, la pauvre terre, la pauvre nature, c'est pas bien pour nous. Eh bien oui, c'est sûr. Alors, est-ce que voilà, ça a toujours été présent, cette facette un petit peu écologiste chez vous ? Est-ce que voilà, votre métier d'avant s'y prêtait déjà ou pas du tout ? Eh bien, en fait, avant, j'étais assistante de direction dans un hôtel en Alsace et tout le monde se moquait un petit peu de moi, entre guillemets, parce que tout ce qui était enveloppe usagée, je gardais, on écrivait dessus. Les brouillons, ben, c'était du papier qu'on avait utilisé, plutôt que de le jeter, on les gardait. Donc, c'est vrai que c'était un peu une âme quand même écologique et anti-gaspillage et tout le monde se moquait un petit peu par rapport à ça. Mais elle n'était pas mise à profit encore ? Non, pas encore. D'accord. Mais voilà, ça a mûri petit à petit et puis ces émissions-là voilà, m'ont aidée. Et surtout un monsieur qui a créé, c'est une chaîne maintenant puisqu'ils ont plusieurs magasins. C'était la première épicerie anti-gaspillage en Bretagne. D'accord. Et en fait, il s'appelle Nous Anti-Gaspi. D'accord. Et là, ben, en Bretagne, ça marche très très bien. Et donc, c'est tout ce qui est... comme moi un petit peu, sauf qu'ils ont tous les Bretons qui les suivent. Et oui. Donc toutes les brioches, toutes les choses comme ça arrivent chez eux et c'est revendu ben, moins cher bien entendu. D'accord. Est-ce qu'ici on vous suit dans les Vosges ? Doucement. Ça commence on va dire. Doucement mais sûrement. Exactement. Il y a 6 mois d'ouverture là, le recul il donne quoi un petit peu là pour l'instant ? Le recul, bah là, ça commence à prendre. On va dire depuis décembre, ça commence à prendre. Les gens commencent... Il y a eu le bouche à oreille, ce qui est normal, le oui. temps de se faire connaître et tout. Et là, c'est vrai que ça commence à prendre. D'accord. Avec beaucoup le vrac, parce que les gens commencent à se mettre au vrac. Et puis, il n'y a pas de carton. On n'achète que ce qu'on a besoin. Donc, l'un dans l'autre, ça revient moins cher, même si c'est du produit neuf. Ça revient moins cher que d'acheter en grande surface, excusez-moi. Ah ben non, mais il faut le dire. Et c'est des produits français, puisque j'essaye de faire le plus possible au niveau français. Parce que je me dis, on a tellement de choses en France, pourquoi aller chercher ailleurs ? Et donc au niveau de vrac, c'est quasiment du français. Et la partie locale, c'est du produit régional. Et oui, donc je cite épicerie sous 3 casquettes, donc produits régionaux, vrac et anti-gaspi. Exactement. Hein, vous retrouverez toutes ces informations sur le Facebook de Ma Nature hein, qu'on mettra en lien avec le podcast de l'émission d'aujourd'hui. Alors là, j'imagine que c'est quand même quelque chose qui tient à cœur quand on ouvre, on est un petit peu dans cette philosophie de vie écologiste, etc. Forcément, on parle de produits locaux. Exactement. En fait, donc, je suis partie dans le sens que je voulais faire 3 casquettes, justement. L'anti-gaspi, donc, c'est tout ce qui est refusé par les grandes surfaces. Ah, ça, c'est intéressant. Dans le sens que ce n'est pas au niveau des dates périmées, oui. puisque j'ai eu plusieurs personnes qui ne voulaient pas venir au début, parce que c'était que du périmé dans le magasin. D'accord. Et en fait, c'est surtout au niveau des emballages abîmés. Donc, quand une grande surface a une palette qui arrive avec 3-4 cartons d'abîmés, ils refusent la palette. Et cette palette-là, et ben, du coup, elle est vouée à la destruction. Mon Dieu. Mon Dieu, exactement. Or qu'il y a des produits qui sont en date jusqu'à 2021, ce qui laisse largement le temps de manger. C'est des normes chez eux, ça ? Est-ce que vous savez ? C'est obligatoire, le magasin est obligé de refuser ? Absolument pas. C'est au vu du directeur, d'accord, pour pas avoir de soucis, je pense, toutes des choses comme ça. Donc c'est vrai que la nature, pour elle, c'est pas simple parce que c'est tout destruction. Après, il y a une société, donc une grosse société qui rachète, qui se permet de racheter tout ça. D'accord. Et qui rebascule au niveau, que ce soit moi en petit ou alors en grand chez Nose et tous les déstockeurs, quoi, en fait. Okay. Et donc ça, c'est une première partie du magasin. Donc la deuxième partie qui commence à bien se développer, c'est au niveau du vrac. Mais oui, parce qu'il y a beaucoup de demandes. On en entend beaucoup parler du vrac maintenant. Aujourd'hui, je trouve que les gens commencent à être sensibles justement à ce sujet du suremballage. Exactement. Qui est quand même parfois un petit peu exagéré. Voilà, tout à fait, même beaucoup, va-t-on dire. Et c'est vrai qu'au niveau du vrac, j'ai beaucoup de personnes maintenant, étant donné que sur rue, il y a quand même pas mal de monde qui sont tout seuls, malheureusement. Oui. Et c'est vrai que quand vous êtes seul, quand vous achetez un paquet en grande surface ou ailleurs, bien souvent le paquet, il vous fait, on va être gentil, 3 semaines et oui, tout ça. Donc vous vous forcez à le manger, or que là vous achetez 100 grammes, mais vous achetez autant de produits que vous voulez. Et oui. Donc voilà, donc les gens apprécient par rapport à ça. Et la troisième casquette, donc c'est tout ce qui est local. D'accord. Alors là, donc il y a les produits frais, donc les légumes viennent de Haute-Saône. Ah. Ils ne sont pas vosgiens, mais c'est vrai que nos producteurs vosgiens sont trop petits. D'accord. Et comme on m'avait demandé beaucoup de bio, oui, ils sont trop petits. Et comme ils avaient déjà, eux, leurs clients, ils ne voulaient pas prendre un magasin en plus. D'accord. Ce que je comprends tout à fait, ce qui est normal. Oui. Et donc, je travaille avec un producteur de Haute-Saône qui est bio. D'accord. Et donc, c'est moi qui vais chercher ou c'est lui qui livre quand je suis bloquée. Donc, c'est circuit court. Les fruits sont français. Parce que le bio en fruits, c'est compliqué à trouver. Oui. Et tout le reste, donc les fromages viennent du coin. Il y a Saulsure, il y a le Thiot, il y a deux Saulsure. Il y en a du Thiot, il y en a d'à côté de Bourbonne-les-Bains. Il y a les yaourts qui viennent de rue, il y a le chef qui vient de rue. Donc c'est tout du local, en fait, on va super dire. Super. Y compris les confitures qui viennent de Remiremont, le café qui est torréfié à Grange-sur-Vologne. Donc c'est tout du local. Super. Le circuit court, ça, on aime bien. Tout à fait. Est-ce que ça a été facile de prospecter un petit peu, de démarcher un petit peu ces producteurs ? Est-ce qu'ils vous ont accueillis à bras ouverts ? Pas tous, va-t-on dire. C'est pas simple. Quand on est grand, c'est simple. Quand on est petit, c'est pas évident. Oui, oui. Ils attendent que ça se développe un petit peu pour... Tout à fait. Oui. J'en ai qui sont venus me chercher. J'en ai d'autres qui ne croyaient pas trop, donc qui sont allés à pas de loup. Et puis ceux qui m'ont fait confiance, qui sont contents maintenant, qui trouvent que c'est une bonne idée et que ça fonctionne bien. Eh bien, tant mieux. Voilà. Là, je prospecte pour trouver plus de zéro déchet. Donc, je suis sur dentifrice, je suis sur les gourdes, je suis sur les pailles. Donc, tout ça va rentrer dans le magasin, mais c'est compliqué encore à trouver. Eh oui, sujet très délicat, la paille. Tout à fait. C'est vrai. Il faut le dire. Eh bien, si jamais quelqu'un nous entend et est intéressé, et voilà, peut-être qui profile ses produits avec vos valeurs, pourquoi pas rentrer en contact avec Nathalie de l'épicerie Ma Nature, se trouvant à rue sur Moselle. On va se lancer tout de suite dans une première bulle de son, avec des petits sons de la nature choisis par vous, Nathalie. On reste un petit peu dans l'ambiance, on est connecté à Gaïa aujourd'hui. Ne bougez pas, on se retrouve juste après. Thank you. On est au calme avec cette petite musique de flûte amérindienne, hein, Nathalie ? Tout à fait. Ça fait du bien. On est un petit peu lancé dans cette ambiance, voilà, de proximité avec notre très chère Gaïa, dont nous essayons de prendre soin aujourd'hui avec vous. Hein, on parle donc de Ma Nature, cette épicerie qui est donc ouverte depuis juin, c'est ça ? Depuis Tout à juin, fait, sur, depuis fin juin. Voilà, sur rue sur Moselle. Alors, est-ce que ça a été facile pour vous de vous découvrir un petit peu auto-entrepreneuse ? Non, ça a été compliqué. C'est pas simple parce qu'il faut, quand on connaît pas, quand on veut se lancer comme ça, il faut trouver les bonnes personnes, il faut savoir où aller frapper, il faut savoir... Oui. C'est pas simple du tout. Il faut trouver un local. Tout à fait. Comment on fait un petit peu pour se lancer comme ça ? Comment on fait ? Oui. On va à la chambre de métier, on va à la CCI, qui sont de très bons conseillers. D'accord. À la chambre de métier, j'ai eu la chance de tomber sur une dame qui s'appelle Nathalie Pastori. D'accord. Qui est chef comptable au sein de Gestelia. Désolée, je fais de la pub. Et qui m'a beaucoup aidée, qui m'a beaucoup conseillée. Et grâce à elle, je le dis ouvertement, si Ma Nature est ouverte, c'est grâce à elle. Oh, bah c'est chouette. Après, elle me dit que non, que c'est moi qui ai fait tout le travail, mais c'est vrai qu'un bon conseiller, ça fait beaucoup. Ouais, elle vous a conseillé, vous avez eu l'initiative et la motivation, ça fait une team de choc. Exactement. Est-ce qu'elle est venue vous voir ? Oui. Ah, ça c'est bien. Oui, oui, elle est venue me voir et elle a même acheté. Ah, c'est bien. Donc ouais, c'est très bien. Elle était déjà convaincue par le projet. Ah oui, c'est une des premières. Elle m'a dit, ça va marcher, allez-y, foncez, c'est une très bonne chose. Non, nous aussi, on en est convaincus et on va vous suivre et vous soutenir comme on peut. On le fait aujourd'hui avec cette émission, mais voilà, on relayera les informations s'il y en a à relayer. Merci. Est-ce que la commune de Rue-sur-Moselle vous a donné un petit coup de pouce ? Est-ce que vous avez pu échanger avec eux sur ce projet ? C'est pas évident, on va dire. J'ai eu un petit coup de pouce du maire au début, c'est vrai. Il m'a aidé sur certaines choses, mais là, depuis que c'est ouvert, plus trop. Voilà. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Oui. Après, c'est vrai qu'ils m'ont aidé au niveau de la publicité aussi, oui. En faisant des publicités gratuitement, puisque le magasin venait d'ouvrir. Oui. Donc ça, c'est un gros plus. C'est sûr. C'est très bien pour faire connaître au niveau de Rue-sur-Moselle. Et oui, en plus, on parle de producteurs locaux, donc forcément, voilà, ça fait un petit peu vivre, même si tout ne vient pas de Rue-sur-Moselle, on l'a vu, mais ça fait un petit peu parler de la commune, c'est quand même sympa. Tout à fait, hein, tout à fait. Voilà. Donc ces producteurs, ils n'ont pas tous encore adhéré au projet, mais ça va venir une fois que voilà, ça aura peut-être pris plus d'ampleur, tout ça. Est-ce que les clients qui viennent vous voir sont des gens uniquement de Rue-sur-Moselle ou est-ce qu'il y en a quelques-uns déjà qui viennent d'ailleurs ? Non, j'ai des gens de Rue-sur-Moselle, mais j'ai aussi des clients de Ramonchon, beaucoup de Vecoux. Oui. J'ai un tout petit peu de Saint-Étienne, va-t-on dire ? Ah, allez. Motivez-vous. Mais c'est vrai que non, la clientèle est plus extérieure que rue PM. Ah oui. Dire. Pour le moment, oui. Après, j'ai des très bons clients de rue, ça je m'en cache pas. Oui. Mais je trouve que la clientèle est plus extérieure. Bon, on parlait au début de cette émission de l'appréhension que quelques-uns ont eue par rapport à votre casquette anti-gaspi et à cette fameuse date de péremption. Alors ne vous inquiétez pas, on ne vend pas de produits périmés. Quoique, voilà, moi je tenais à le dire en tout cas, certains produits avec la date de péremption voilà, peuvent encore être mangés après. Voilà, tout à fait. En fait, donc au début, à l'ouverture du magasin, c'était compliqué puisqu'il y a eu effectivement un amalgame dans le sens que le magasin ne vendait que du périmé. Oui. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr. Oui. Mais sachant qu'il y a deux dates, donc il y a une DLC et une DLUO. Oui. Donc au niveau de la DLC, c'est vrai qu'il faut faire attention puisque c'est tout ce qui est viande, tout ce qui est poisson, tout ce qui est produits frais. Donc là, c'est vrai que une DLC, il faut faire attention. Oui. Sachant qu'un yaourt, si vous l'achetez et que si vous le mangez pas, que la DLC est passée, vous pouvez encore le manger normalement un mois après. Bon. Donc voilà, ça c'est une chose. Mais au niveau de la DLUO, vous pouvez manger aussi longtemps que vous le voulez puisque c'est écrit à consommer de préférence avant. D'accord. Le. Sachant que quand vous allez le manger, si vous le mangez un an après, ce qui risque d'arriver, c'est que votre gâteau, il n'est plus le même goût qu'au début. Un peu plus sec. Voilà, tout à fait. Mais vous ne serez pas plus malade pour autant. Voilà. Donc, ne jetez pas vos produits si vous pouvez encore les consommer. Exactement, ne jetez pas les produits, mangez-les. Mais oui. Ou alors retravaillez-les différemment. C'est vrai. Exactement. On propose ça aussi chez Ma Nature, des idées de recettes avec des produits. Ça me fait rebondir. Ça va être proposé. Oui. Ça va être proposé dans le sens que là, il y a des paniers qui sont proposés, des paniers de fruits et légumes. D'accord. Et l'étude de 2020, c'était de proposer une recette en même temps avec le panier. Ah, ça, c'est chouette, ça. Ouais. Ça, c'est chouette. Tout comme là, maintenant, sur le prochain panier qui va venir, ça va être un panier détox. Ah. Puisque ça va faire du bien sur la période. Après les fêtes. Voilà, tout à fait. On est sensible aussi à ça, au bien-être du corps humain par rapport à ce qu'on consomme. Ah oui, tout à fait. J'aime bien renseigner les clients. Comme là, on peut trouver du curcuma. Oui. Et c'est vrai que pas mal de clients n'étaient pas bien sur décembre et tout ça. Et je leur ai conseillé, sans vendre le mien, en conseillant tout simplement, de faire la solution du curcuma. Puisque quand vous prenez du miel d'acacia, du curcuma et du poivre, mais du vrai poivre, ça vous fait un anti-inflammatoire extrêmement bien et qui remplace, enfin on va pas dire qui remplace, mais qui peut aider et qui permet de pas prendre de médicaments pour D'accord. rien. Anti-inflammatoire, alors concernant quoi, simplement par rapport à l'estomac ou pour tout? Non, généralité. Ah ouais. En fait, il faut prendre 1 kg normalement de miel d'acacia avec 5 cuillères à soupe de curcuma et du poivre, mais du vrai poivre. Et après, vous mangez une cuillère à café tous les matins et ça vous fait un petit plus. C'est génial, les recettes de Nathalie. Nathalie, peut-être pas, mais... On va faire une nouvelle chronique, ça va être génial. Alors, dans cette catégorie anti-gaspi, donc on a parlé de quelques produits. Alors, il y a aussi les produits qui ne sont pas, entre guillemets, dans les normes. Hein. Nous, on les aime bien, ces produits. Trop petits, trop moches, trop quoi. Voilà, exactement. En fait, au niveau du producteur, il m'a demandé une fois si ça m'ennuyait d'avoir des carottes qui sont pas belles, qui sont moches, qui ont des façons différentes. Alors je lui dis non, pas du tout. Donc du coup, on travaille comme ça. Après, elles sont plus compliquées à vendre que les normales. Oui. Parce qu'il y a des personnes qui vont, des fois, j'ai des carottes entremêlées. Donc elles n'ont rien du tout, elles sont juste entremêlées. D'accord. Mais il y a certains clients qui vont les laisser. Elles vont rester sur l'étal plusieurs jours, alors que les autres vont partir tout de suite. Ah oui. Jusqu'à ce qu'il y ait des clients qui les prennent. Bon. Mais c'est plus compliqué. C'est comme les tomates, mes tomates n'étaient pas aussi brillantes que celles qu'on trouve partout. Eh ben oui. Mais c'est les vraies tomates. Eh ben oui. Et pour cause, c'est ce que j'allais dire. Ou alors les légumes actuels, y a pas autant de légumes qu'en grande surface, puisque j'ai pour but de suivre mon producteur. Donc quand lui il a plus de légumes, je n'ai plus ce légume là. D'accord. Comme pour exemple, quand les tomates se sont arrêtées, j'ai une dame qui était pas contente parce qu'elle voulait des tomates. Ah. Je lui dis c'est plus la saison. Oui. Elle me dit « Oui, mais en grande surface, je trouve mes tomates. » Je dis « Oui, mais vous ne les trouverez pas chez moi. » Mais voilà. Donc la dame n'était pas trop contente, mais voilà. C'est une philosophie de vie, on consomme local, anti-gaspi, forcément des produits de saison. Exactement, et en plus c'est meilleur pour la santé. Eh bien tout à fait, c'est ce que j'allais dire, si c'est de saison, si ce n'est plus de saison, c'est que vous allez les trouver d'un pays, d'un autre pays que la France. Ce produit va avoir fait de la route, et forcément il sera un petit peu altéré, cueilli trop tôt, ou alors de toute façon ça va polluer, parce que le transporteur jusqu'au magasin aura fait des kilomètres, et voilà. Exactement, c'est comme pendant la période estivale, j'avais du raisin. Bien sûr, un petit magasin n'est pas concurrentiel par rapport à une grande surface, ce qui est tout à fait d'accord. Donc effectivement, il était plus cher, ce que je ne peux pas faire autrement, bien sûr. Et j'ai une cliente qui m'a dit, je suis un peu dégoûtée parce que le travail, elle est à domicile. Elle me dit, j'ai dû emmener ma patiente faire des courses et elle a acheté du raisin qui venait du Sri Lanka. Oh. Et qui n'était pas cher, bien sûr, mais elle m'a dit, j'étais un peu dégoûtée parce que voilà, autant prendre moins, mais le prendre chez vous. Que j'ai dit, après, les budgets, ce n'est pas tout le monde pareil. C'est mais vrai. Voilà. Est-ce qu'on essaye un petit peu d'éveiller les consciences? Ah, j'essaye, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Mais les gens reviennent quand même au goût, au meilleur. J'ai eu plusieurs personnes cet été qui sont venus par rapport aux fruits, qui sont venus acheter. J'ai un monsieur, pour prendre un exemple, qui est venu un jour, qui m'a dit « Je vous prends une pêche, est-ce que ça vous pose problème ?» Je dis « Non, c'est le but du magasin. » Il m'a dit « Je vous explique, j'ai pris des pêches dans plusieurs grandes surfaces du coin, donc j'ai rien dit. » Oui. Et il m'a dit « Elles sont pas bonnes du tout. » D'accord. Et il m'a dit « Là, je vous en prends une, si elle est bonne, vous me reverrez. » Donc je dis « Oui, pas de souci. » Deux jours après, je revois le monsieur. Et il me dit « Vos pêches sont excellentes. » Et je reviens avec plaisir. Ah. Je dis « Merci, c'est gentil. » Ça, ça fait plaisir quand voilà. même. Mais on c'est sait... du français. Voilà. On voilà. sait qu'on se bat pour quelque chose au moins. Exactement. Moi, je suis sûre Exactement. Que ça va fonctionner. J'espère. Je suis sûre que ça va fonctionner. On va se lancer dans une deuxième bulle de son. Alors, on a écouté de la flûte amérindienne. Cette fois-ci, on écoute de la flûte chinoise. Voilà, D'accord. parce que j'avais envie. Et on se retrouve juste après avec Nathalie. nous sommes toujours ensemble aujourd'hui dans la bulle avec mon invitée Nathalie de l'épicerie Ma Nature, ouverte eh bien, il y a quelques mois à Rue-sur-Moselle. Vous l'avez bien compris, je vous invite à aller faire un tour sur la page Facebook de Ma Nature, hein, M-A plus loin N-A-T-H apostrophe U-R. Et là, vous y trouverez eh bien, quand même quelques conseils. Hein. Je rigolais tout à l'heure, mais vraiment, il y en a là sur cette page. Par exemple, pourquoi manger des lentilles à Noël ? J'ai vraiment aimé cet intitulé. À Saint-Sylvestre, pas à Noël. Ah pardon, à la Saint-Sylvestre. J'ai mal lu. Tout à fait. En fait, il y a plein de choses à savoir. Et c'est vrai que normalement, si on mange des lentilles le premier de l'an, on a de l'argent toute l'année. C'est pas vrai. Normalement. D'accord. Après, voilà, je ne suis pas sûre que ça fonctionne, mais... mais c'est une bonne occasion de manger des lentilles, parce que c'est très bon pour la santé. Exactement, voilà. Exactement. Surtout que beaucoup de personnes ne le savent pas, mais on a des lentilles vosgiennes. Ah bon ? Tout à fait. Et en plus bio. C'est pas vrai. Exactement. Et ça se trouve dans votre magasin ? Oui. Ah ben voilà. Elles viennent d'Arolles, en fait. D'accord. Et comme vous, beaucoup de mes clients m'ont dit « des Vosges ?» J'ai dit « oui, moi aussi ». Et c'est vrai qu'en prospectant, on trouve de nouvelles choses. Et oui. Et, sans mentir, je les ai vues sur Facebook la première fois. Oui. Et je me suis dit « non, mais des lentilles dans les Vosges ». Ben oui. Et quand je l'ai contacté, il m'a dit « oui, effectivement ». Et en plus, c'est des lentilles sans gluten, puisqu'à la base, dans les lentilles, vous avez toujours une trace de gluten. D'accord. Et il m'a expliqué que c'est parce qu'en fait, les producteurs de lentilles en tuteur mettent du blé. D'accord. Du coup, le blé va sur les lentilles, d'où la trace de gluten. Or, qu'eux ne mettent pas de blé en tuteur, donc c'est des lentilles sans gluten. Super. Tout pour plaire. Exactement. Est-ce que, à l'origine de ce projet, quand l'idée a commencé à mûrir dans votre tête, vous avez eu de l'aide d'un côté de la famille, des gens qui vous ont suivi et un petit peu soutenu durant cette étape ? Alors, j'ai eu beaucoup d'aide de mes neveux et nièces, va-t-on dire, et des amis. Grâce à eux, c'est vrai que les parties compliquées sont transformées en parties de fou rire. Voilà. Mais c'est vrai que sans cette aide-là, je pense que ça aurait été compliqué d'ouvrir. Combien de temps ça a mis entre l'idée qui traverse l'esprit et la concrétisation ? Un an et demi. Eh oui. Ouais. Il faut le temps de réfléchir, il faut tout préparer, c'est pas simple, mais c'est ce que je dis toujours. J'ai une cliente sur rue qui veut se lancer parce qu'elle fait de très bonnes choses au niveau gustatif. D'accord. C'est vrai que le plus dur, c'est de faire le premier pas. Oui. De prendre sa décision, de se dire est-ce que je vais me planter, est-ce que ça va aller, est-ce que voilà, ça c'est le plus dur. Mais oui. Après, avec le soutien, il faut du soutien. Tout seul, c'est pas faisable. C'est sûr. Ça, c'est clair. Et puis après, les idées mûrissent un petit peu. Hein. Une fois qu'on est installé, on pense à d'autres choses. Exactement. Une fois qu'on est installé, on voit différemment. On veut faire évoluer, on veut faire grandir. On trouve d'autres choses. On est contacté par certains gens, certaines personnes, pardon. Et c'est vrai que ça permet de grandir. Comme là, c'était sur le mois de décembre, j'ai une dame qui est venue et qui m'a dit « Est-ce qu'un dépôt-vente de jouets vous intéresserait ?» Et je me suis dit « Tiens, ça va dans le sens du magasin. » Je lui ai dit « On peut tester. » Je sais pas ce que ça donnera, mais on peut tester. Après, c'est vrai que beaucoup de personnes m'ont contactée pour faire la même chose. Oui. Mais le but, c'était déjà voir si ça marcherait ou pas. D'accord. Et du coup, c'est mitigé, mais c'est pas mal. Les gens ont commencé à se dire, tiens, pour Noël, pourquoi pas acheter une seconde vie ? Et oui. Comme nous, au niveau de la famille, on jouait, on a tout acheté en seconde vie. Oui. En adulte, j'ai beaucoup fait découvrir des produits locaux, va-t-on dire. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que sur Noël, on est resté au niveau de la famille sur du seconde vie ou des choses qu'on peut évoluer différemment plutôt que d'acheter du neuf. Voilà, c'est quelque chose à apprendre. C'est pas évident de faire des cadeaux qui sont pas neufs, mais pourquoi pas. Je pense que c'est plus valorisant de se faire offrir qu'un cadeau qui n'est pas neuf que de savoir que le produit que l'on va offrir vient de Chine très certainement et tout à fait. Tout son chemin jusqu'ici et comment il finira à la fin de sa vie. Voilà, on continue de produire et de produire et de produire alors qu'on sait que ben voilà, on est en train d'entasser, d'accumuler sur notre planète des tas de déchets qu'on ne pourra jamais détruire. On en parlait tout à l'heure un petit peu en off, mais voilà, les causes sont très graves, hein. Enfin, les conséquences sont très graves. On le voit par exemple avec l'Australie qui brûle depuis déjà plusieurs jours et beaucoup d'autres... Plusieurs mois. Depuis septembre, ils sont en feu. D'accord. Après, c'est vrai qu'il y a des choses qui évoluent au niveau de la France. Puisque oui. Là, j'ai vu ce qui serait bien de venir un peu dans toute la France. Mais il y a trois grandes villes qui ont changé leur déchetterie, va-t-on dire. D'accord. En fait, plutôt que d'avoir les déchetteries que nous, on connaît, c'est passé à des déchetteries échange. Donc, en fait, les personnes déposent et d'autres... reprennent. Tout est fait gratuitement, mais c'est vrai que l'évolution d'un meuble qu'on va acheter à la déchetterie et qui va partir dans la benne, ok, il sera recyclé, tandis que chez eux, les gens les déposent et une autre personne va prendre cette armoire-là. Ou une fenêtre, comme il montrait un monsieur qui récupérait une fenêtre, donc le caméraman et puis... je ne sais pas comment on dit, la personne qui tient le micro lui a demandé ce qu'il allait en faire. Cette personne lui a dit, bah, écoutez, j'ai un grand jardin. J'ai fait toute la moitié de mon jardin en serre grâce à ces fenêtres-là et je vais continuer. Et c'est vrai que je trouve que c'est excellent. Et en plus, la mairie et la Comcom de ces trois grandes villes s'y retrouvent puisqu'ils ont un tiers pour le moment de déchets en moins à carboniser et tout ça. Donc je trouve que c'est excellent. Et l'un dans l'autre, la seconde vie, je trouve que c'est bien. Eh bien oui, ouais, tout à fait. C'est un des axes vers lequel va peut-être se diriger votre magasin. On pourra peut-être déposer des objets et en reprendre d'autres. Voilà, tout à fait. C'est l'évolution du magasin. Là, je suis en train d'y réfléchir. J'aimerais faire une partie don, un peu ce style, du seconde vie ou du neuf qui ne sert plus, comme des cartes postales, des choses qu'on ne sert pas. On en a tous plein nos tiroirs, des choses qu'on s'est achetées, qui n'ont jamais servi, qui pourraient faire plaisir à d'autres personnes. Et c'est vrai que je me dis, pourquoi pas mettre un petit stand pour voir ce que ça fait, et mettre « Servez-vous ». Oui. Et pas facturer, mais ça peut faire plaisir à quelqu'un qui n'a pas les moyens, mais qui, voilà, qui a envie de ça, et pourquoi pas. Je suis en train de réfléchir à ça, je trouve que c'est une idée qui pourrait être pas mal. Mais c'est certain. Est-ce que parfois il y a des clients qui vous font des demandes et qui vous donnent une petite intuition, je vais peut-être proposer ça bientôt? Oui, j'ai des demandes, mais au niveau du vrac, on me demande certaines choses que je n'ai pas encore, donc je le note et j'essaye d'évoluer par rapport aux demandes des clients. C'est vrai qu'au niveau du vrac, à l'ouverture du magasin, il y avait très peu de vrac, donc on a fait une demande pour savoir ce que les gens seraient intéressés. Oui. Donc le vrac est sorti en nombre. Donc là, il y a le double qu'à l'ouverture au niveau du vrac. Ah oui, ça a doublé. Le rayon vrac a bien augmenté. D'accord. Et du coup, là, je suis en train d'écouter parce que j'ai des personnes comme les graines de lin. J'ai eu plusieurs demandes sur les graines de lin. D'accord. Donc, c'est vrai que j'écoute et en général, quand on me demande, j'essaye de faire rentrer dans les plus brefs délais. Comme j'ai une cliente qui est sur du café du Brésil et ça, je n'avais pas. Elle m'a dit, ce serait bien, nous, on n'achète que ça. Et du coup, j'ai fait rentrer du café du Brésil. Et la cliente m'a dit merci. ça fait plaisir. Voilà, tout à fait. On peut être gourmand aussi. C'est pas parce qu'on est local, bio et écolo qu'on ne peut pas être gourmand. Il y a vraiment quand même un certain panel de produits chez vous. On peut être gourmand dans le sens qu'il y a des petits biscuits, des petits sablés qui sont en vente soit en paquet, soit en vrac, oui. Et qui viennent de Thiéfosse. Donc, on peut être gourmand et local. Eh bien, oui. Et du chocolat, non? Du chocolat, j'ai du chocolat, mais lui, il vient d'Alsace. Il n'est pas vosgien. Bon, mais bon. Pas très loin quand même. Pas très tout loin. À fait. Tout à fait. Alors, on va revenir un petit peu sur ces fruits et ces légumes. Vous parliez de panier tout à l'heure. Donc, on peut commander un panier. Comment ça se passe? Voilà, tout à fait. En fait, toutes les semaines, il y a un nouveau panier. Et les personnes le commandent quand ils le désirent. Je n'ai pas de jour précis. La seule chose que je demande, c'est qu'on me prévienne la veille. Parce que pour faire les paniers, il faut juste le temps de les préparer. Et, quoi. Oui. Et après, la personne peut venir le chercher. Donc, elle demande ce qu'elle veut, la personne, ou alors c'est vous qui confectionnez le panier? En fait, le panier paraît toutes les semaines sur Facebook, avec d'accord. le détail de ce qu'il y a dedans. D'accord. Sachant que, bien entendu, si, comme là, j'avais des endives, j'ai une de mes clientes qui n'aime pas les endives, on change. Bon, oui. C'est pas ça, c'est pas un souci. On s'adapte. Voilà, exactement. Mais l'avantage, c'est que c'est du local. Comme les endives viennent de Tiefos. Ah, voilà. Eh oui. Tout à fait. Eh bien oui, on donc, les embrasse. Voilà, j'essaye le plus local possible et le plus français possible. Il est temps que le bouche à oreille un petit peu se mette en place côté producteur et côté clientèle aussi. Hein, n'hésitez pas à changer vos habitudes, à faire quelques pas à pied ou vraiment à toute proximité de chez vous pour chercher vos produits. Et puis ceux qui produisent, n'hésitez pas à aller vers Nathalie pour proposer vos produits à la vente. Bah, au niveau des producteurs, j'ai pas à me plaindre parce que c'est vrai que ceux avec lesquels je travaille, on a une super entente. C'est important. Et oui, c'est très important d'ailleurs. Et c'est vrai que quand on cherche quelqu'un, en général, je leur demande en premier avant de chercher. Oui. Et c'est vrai qu'eux, ils ont des réseaux, ils connaissent très très bien. Et souvent, j'ai eu des producteurs comme ça qui m'ont dit « Il faut aller voir là, il y a des très bonnes choses. » comme les endives de Tiefos, c'est des producteurs qui m'ont conseillé et une cliente. Ah. On m'a dit « Attention Tiefos, il y a des très très bonnes endives. » Et vous avez bien fait de les écouter. Tout à fait, tout à fait. Elles sont excellentes et les gens en raffolent, donc c'est très bien. Est-ce qu'un jour il y aura des ateliers, peut-être conseils culinaires, etc. chez vous ? Alors ça va dépendre de l'évolution du magasin. Si le magasin évolue bien, je prévois de, on va dire entre guillemets, casser une cloison. Eh oui. Voilà. Quand même. Et oui, quand même. Où sont les murs ? Exactement. Et là, des ateliers seraient possibles. D'accord. Tout comme j'ai une cliente qui, je vous en parlais tout à l'heure, qui voudrait se lancer et qui fait des très bonnes choses culinairement qu'avec des légumes. Ah oui. J'aimerais bien faire des ateliers avec elle. Eh bien oui. Donc voilà. Donc là, on a déjà discuté les deux pour faire l'inauguration de ma nature. Qu'on essayera de faire plus en avril, au beau jour, va-t-on dire. Et c'est vrai que j'aimerais bien que ce soit elle, histoire de la lancer, de la faire connaître. Et voilà. Tenez-nous informés, envoyez-nous cette dame. On sera ravis de la faire échanger avec nous pour parler de tout ce qu'elle propose. Il y a beaucoup de tendances, hein, beaucoup de choses avec les légumes, mais aussi point de vue cru. Hein, les gens qui consomment que du cru, des graines, etc. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, mais pourtant c'est très bon pour la santé, ça change. Et puis voilà, c'est très très bon. Tout à fait, tout à fait. On n'a pas l'habitude de manger les graines. Quand on voit les graines, on se dit « mais ça sert à quoi ? C'est pas pour nous, c'est pour les oiseaux. » Mais c'est vrai que c'est très, très bon pour la santé. Oui. Il faut qu'on essaye de s'y mettre, mais l'habitude est compliquée à changer. Voilà, mais c'est surtout ça. Avec le temps. Avec le temps. Avec le temps, ça ira mieux, je pense. Est-ce qu'il y a des choses non alimentaires chez vous ? Oui, il y a une partie esthétique. D'accord. Alors là, j'ai une gamme, donc une dame qui me suit depuis le début, qui a cru en ma nature. C'est la gamme Arborea. D'accord. Elle était à Saint-Amé et maintenant elle est à Dommartin ou Saint-Étienne-lire-Miremont. Ah ben voilà. Et cette dame-là, donc je travaille avec elle depuis l'ouverture et c'est des savons qui remplacent le gel douche. D'accord. Comme ça évite le contenant en plastique. Tout à fait. Et des shampoings solides. Super. Et c'est très très, c'est une très bonne gamme. C'est tout du naturel, bien sûr. Oui. Et les clients sont très contents. Ah ben oui, c'est sûr. Et c'est du local. Ah ben voilà. Tout ce qu'on aime. Après, il y a une autre gamme de savon qui vient d'Alsace. Et un produit, par contre, j'ai un produit en vrac, un produit d'entretien. D'accord. Qui s'appelle Qui lave tout. Et qui permet d'aller en machine à laver, d'aller la vaisselle, de faire les sols, les murs, qui permet de tout laver en fait, et qui est approuvé par les dames de rue. Ah bah super, alors voilà. Si elles approuvent, tout va bien. Exactement. Il y a une tendance aussi en ce moment, un atelier qui est proposé de plus en plus, c'est apprendre à faire ses produits cosmétiques et ménagers, parce que on parle beaucoup de produits cosmétiques parce que forcément ça rentre directement dans notre organisme, mais les produits ménagers aussi, et ça c'est un très très gros polluants d'intérieur, les produits ménagers. Et on peut proposer des ateliers de produits ménagers. Comment faire ces produits ménagers nous-mêmes avec des Tout à fait. Tout à fait. En En fait, ils l'ont proposé, la Comcom du Tio l'a proposé sur le mois de décembre. D'accord. Ce que j'ai partagé, bien entendu, puisque c'est très bien. Et au niveau des produits d'entretien, c'est beaucoup du bicarbonate. Oui. Donc, bah, celui que moi, je vends, c'est du bicarbonate de sodium et du savon. D'accord. Puisque c'est les Alsaciens qui ont eu l'idée. Je trouve que c'est bien. Ça évite le gaspillage. Oui. Quand ils coupent leur savon, ils ont des copeaux qui leur restent sur les bras. Oui. Et en fait, ce produit-là, c'est bah, les copeaux de leur savon avec du bicarbonate de sodium. Impeccable. Et il fonctionne très bien. Et c'est vrai que beaucoup font leurs produits. Beaucoup de clientes m'ont demandé d'avoir du bicarbonate à la vente parce que bah, voilà, il faut en acheter en grande quantité et ce n'est pas toujours ce qu'on veut. Oui. La seule chose, c'est qu'il faut que je vois où le mettre. Parce qu'en fait, ces produits-là ne doivent pas être mélangés avec l'alimentaire. Tout à fait. Donc, eh ben, voilà. On va pousser les murs. On va pousser les murs. Et par contre, il y a un petit produit, un petit nouveau qui est rentré sur novembre qui fait des ravages, on va dire. C'est un déodorant solide. Ah. Voilà. Oui. 100% naturel, produit bio. Et j'ai pas mal de clients qui avaient testé de faire leur déodorant, testé d'autres déodorants et qui m'ont dit ça va pas, on est allergique. Et comme c'est une petite société qui a aussi ouvert en juin, par contre, c'est pas du local, c'est des Bretons. D'accord. Ils m'avaient envoyé des testeurs, donc les gens ont pu tester. Et c'est vrai que tout le monde m'a dit « Ah, c'est bien dosé, c'est très bien, ça marche très très bien. » Ah bah super. Donc voilà, donc c'est bien ça. Mais oui, oui ça augmente de plus en plus de références par rapport à ce que les gens recherchent, attendent. Exactement. Pour pas qu'il y ait de produits qui restent sur les bras, justement. Hein, tout à fait, tout à fait. On est toujours dans cette optique. Et puis pour enlever tout ce qui est très mauvais dans la salle de bain, puisque c'est prouvé par A plus B que dans la salle de bain, c'est l'endroit où il y a le plus de déchets. D'accord. Puisque quand vous avez une crème, vous avez un contenant. Quand vous avez un gel douche, vous avez un contenant. Quand vous avez un shampoing, voilà. Oui. Donc ainsi de suite. Dentifrice, il y a le contenant. Donc c'est là où il y a le plus de déchets et c'est là où on détruit le plus la planète. Le dentifrice solide, ça existe, un dentifrice Dentifrice solide, ça existe. Je suis en train de regarder pour le faire rentrer au magasin. Après, c'est plus compliqué à servir puisqu'il y a beaucoup de charbon dedans. D'accord. Et comme on est tous, autant qu'on est habitués au fluor, ah oui, qui n'est pas bon pour les dents, puisque maintenant, il y a une étude qui dit que ce n'est pas bon. D'accord. Contrairement à ce qu'on nous a toujours expliqué. Ah bah oui. Mais voilà, donc c'est prévu de le faire rentrer au magasin. D'accord. On va avoir la bouche noire, mais tout va bien. Non, ça, même non pas. Ah non. Non, non, pas du tout. C'est du charbon, il y a d'autres produits naturels toujours avec. Oui. Mais du coup, la bouche ne sera pas noire, mais je pense qu'il y aura quand même un peu le goût du charbon. Ouais, après, bon, voilà. On va s'habituer. Je pense. Nathalie, on était ravis de partager cette bulle avec vous pour parler eh bien, de cette épicerie Ma Nature qui se trouve à Rue-sur-Moselle. Alors, où à Rue-sur-Moselle si on veut vous trouver? Alors, c'est au 50 rue d'Alsace, oui. Et pour avoir plus facile, c'est juste à côté du garage Renault. Eh bien voilà, plus d'excuses pour ne pas aller faire un tour dans cette épicerie et puis voir eh bien, un peu tout ce qui s'y propose. On vous a fait un petit brief, mais voilà, je pense que d'aller voir sur place. Et puis, il y a quelque chose de très important, c'est quand même le contact humain. Tout à fait, hein, tout à fait. Quand j'ai une ou deux personnes dans le magasin, c'est moi qui les sers. Je trouve que c'est plus sympa, ça permet de discuter, c'est plus sympa par rapport à ça. Super. Tout à fait. Est-ce qu'on a un dernier mot à dire à nos auditeurs? Ben en fait, je voulais juste signaler une petite chose, c'est que j'ai un livre en ce moment en dépôt-vente. D'accord. Il est assez sympa, c'est une dame qui se lance aussi. Qui le fait toute seule, qui l'édite toute seule. D'accord. Et ça parle d'écologie. C'est une maman qui était écolo, qui a eu des petits soucis et qui redevient finalement écolo. Et c'est assez sympa. C'est un livre ludique et qui permet de se mettre dans l'écologie, de voir différemment après. Super. Donc, c'est sympa. Bon, alors on va venir chez Nathalie pour bien se faire du bien au corps, au papier et à l'esprit. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup à vous. Quant à nous, eh bien, on se retrouve toute la journée pour la suite de nos programmes. Je vous embrasse bien fort et surtout n'oubliez pas, c'est comme tous les jours, c'est bonheur, joie et rire à tous. Get back.